Mangaribi ya leo tunamsalimia mjina damani ya Bwana Yesu Kristo. Tunamshukuru Bwana Mungu juu ya yote ile anatutendea. Pour son amour et sa grâce. Juu ya mapendo yake na neema yake. Nous allons lire les saintes écritures. Tutasoma maandiko takatifu. Dans Isaïe chapitre 6. Mwisa ya sura yake ya sita. L'année, verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mstari ya kwanza, mwaka wa kufa kwa mfalme Ozias, naliona Bwana mwenye uketi pa kiti chake cha juu sana. Le pan de sa robe remplissait le temple. Chongo ya kanzu yake iliala na ekalu. Des séraphins s'étenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes dont deux se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux ils se servaient pour voler. Walikuwa na kila mmoja na mabawa sita, mbili ile walifunika uso, mbili ile walifunika miguu, na mbili ile walikuwa natumia kwa ajili ya kuruga. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Walikuwa nalalamika mmoja kwa mwingine na kusema, mutakatifu, mutakatifu ni wa milele wa majesi, dunia yote inayala na utukufu wake. Le porte fut ébranlé dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Na milango ilitenka mu misingi yayo kupitia sauti ile ilikuwa nalalamika, na nyumba mzima iliala na moshi. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Basi nikasema, ole wangu, minapotea, kwani niku mutu wa midomo ya buchafu, niku naketi katikati ya watu wa midomo ya buchafu, macho yangu inamuona mfalme wa milele wa majesi. Mais l'un des sérapins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Alakini mmoja wa serafini akaruga kuja kwangu mwenye kushika mkono yake jiwe ya moto ile alichugua mazabu na mankanya. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Akagusa kinywa kyangu na kusema, hii inagusa midomo yako, uovu wako inaondoka na dhambi yako inaondolewa. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Nikasikia sauti ya Bwana yenye kusema, ni nani ule nitatuma? Nani atatembea kwa ajili yetu? Nikajibu, mi huyu upate kunituma. Prions. Tuombe. Seigneur notre Dieu. Bwana Mungu wetu. Nous te sommes reconnaissants. Tunakushukuru sana. Pour tes bienfaits et tes grâces. Juu ya matendo yako mema na neema yako. Tu nous avons donné l'occasion de venir en ta présence. Ulitupatia bahati ya kufika muwepo wako. Il y a des frères et sœurs qui sont venus depuis le matin prier. Kukuba nduku na wadada walifika tangia asubuhi juu ya kuomba. Bénis le Seigneur. Uwabariki Bwana. Accorde-le tout ce qu'ils ont demandé. Uwapatie yote ile walikuomba. Parce que toi qui as dit, kwani ni wenjo lisema, muombe mutapata, mupike odi watamifungulia, mutafute mutaipata. Haina misemo ya mutu, alakini ni misemo ya kweli ya Mungu. Oui, Seigneur, nous attendons à toi. Ndiyo Bwana tunajongoja kwako. Confirme tes promesses au milieu de nous. Wakikishe malako yako katikati yetu. Sisi tuku taifa yako Mungu. Conduis-nous, Seigneur, ce soir. Utuongoze Bwana mangaribi ya leo. Ututie nguvu. Tunapenda kukuona. Huku sawa sawa jana leo na milele. Merci Seigneur. Na santi Bwana. Tunaiomba. Mujina Bwana. Na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Je m'excuse. Naomba usamaha. Nous parlons sur l'influence La Bible dit que l'année de la mort du roi Ozias, Biblia inasema mwaka ya kufa kwa mfalme Ozia, le prophète Isaïe est allé dans le temple. Nabi Isaya alienda mwekalu. Il est allé chercher la face de Dieu. Alienda kutafuta uso wa Mungu. Parce que Dieu lui avait enlevé les appuis. Kwani Mungu alimuondosha tegemeo yake. Et lorsqu'il est entré dans le temple, wakati aliingia mwekalu, il a commencé à prier. Alianza kuomba. Dieu lui a ouvert les yeux. Mungu alimfungula macho. Il a vu au ciel. Aliona kumbingu. Ils ont vu l'Éternel assis sur le trône élevé. Aliona wa milele mwenye uketi pa kiti yake ya enzi ya juu sana. Et le pan de sa robe remplissait tous les temples. Na nchongo ya kanzu yake iliyala hekalu mzima. Et les séraphins étaient là. Na wa serafimi walikuwa pale. Qui avait six ailes. Walikuwa na mabawa sita. Deux, ils se couvraient la face. Mbili walifunika uso. Deux, ils se couvraient les pieds. Mbili walifunika miguu. Et deux, ils se servaient pour voler. Na mbili walikuwa naitumia kwa ajili ya kuruka. Et ils criaient saint, saint, et l'Éternel des armées. Na walikuwa nalalamika, mutakatifu, mutakatifu ni wa milele wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia yote na yala na utukufu wake. Et cela fait bouger le ciel. Na ile ilitigiza mbingu. Le temple avait bougé. Ekalu ilitenka. Amen. Amina. L'honneur, la gloire, Eshima na utukufu, la louange, na masifa, est réservée seulement à notre Seigneur. Ni paka tu ya Bwana wetu. Dans l'église du Dieu vivant, mukanisa ya Mungu aliye hai, on ne peut pas commencer à louer les hommes. Atuwezi kamwe kusifu watu. On ne peut pas commencer à chanter pour des hommes. Atuwezi kuimbia watu. La seule personne que nous devons vénérer, mutu moja tunapashi kutukuza, que nous devons louer, ule tunapashi kusifu, kuimbia, ce n'est seulement le Seigneur Dieu. Ni paka tu Bwana Mungu. Aujourd'hui c'est une honte. Leo hii ni haya. De voir dans les églises. Ya kuona makanisa. Ce sont des hommes de Dieu que les gens sont en train de vénérer. Ni batumishi ya Mungu njo batu beko na tukuza. Ils ont même pris la place dans l'église du Dieu vivant. Barichugua nafasi mu makanisa ya Mungu aliye hai. Au lieu que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus-Christ, Paria heshima na utukufu imurudirie Bwana Yesu Kristo. Ce sont des pasteurs qu'on est en train de chanter. Sasa ni bapastori njo bananza kuimbia. C'est eux qu'on est en train de louer. Ni bonjo bananza kusifu. Vous verrez même, il y a des choses graves. Huku na bitu bya hatari. Je vis comme ça sur les réseaux sociaux. Na libiona kuma internet. Un pasteur arrive. Pasteur anafika. Tout le monde se met à genoux. Batu bote wanatwanga magoti. Même ceux qui étaient dehors. Hata wale walikuwa nje. Cet honneur. Ile heshima. Cette révérence. Ile heshima mkubwa. Est réservée seulement au Seigneur Dieu. Inamuchungia paka Bwana Mungu. Dans l'église, Mukanisa, la première place est réservée au Seigneur Jésus-Christ. Fazi ya kwanza inamuchungia paka Bwana Yesu Kristo. Celui qui est mort pour son église. Wani yeye ndio alikufa kwa ajili ya kanisa yake. Celui qui a versé son sang. Yeye ndio alimwanga damu yake. Pour nous racheter. Ndio kutukomboa. Alléluia. Amina. C'est pourquoi l'honneur. Ndio kwa maana heshima. La louange. Masifa. La gloire. Na utukufu. Lui est seulement réservé à lui. Ni yake yeye peke yake. Alléluia. Amina. Et toute église, na kanisa yote, où on commence à adorer des hommes, mule bananza kuabudu bantu, on commence à glorifier les hommes, bananza kutukuza bantu, à louer les hommes, kusifu bantu, ce n'est pas une église du Dieu vivant. Il a ina kanisa ya Mungu aliye hai. Alléluia. Amina. Parce que Jésus n'a pas laissé quelqu'un pour le remplacer dans son église. Kwani Yesu ashikwache mtu juu akumkombola mkanisa yake hapana. Il a dit encore un peu de temps. Alisema kwa muda kidogo. Le monde ne me verra pas. Bamuduni avataniona kamwe. Mais vous. Alakini mwenye. Vous me verrez. Mutaniona. Parce que je serai parmi vous. Kwani nitakuwa katikati yenu. Alléluia. Amena. Et même ce soir. Hata mangaribi ya leo. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Tuko muwepo wa Mungu aliye hai. Le Seigneur Jésus est ici. Bwana Yesu yuko hapa. Alléluia. Amina. Par sa parole. Kupitia neno lake. Et par son esprit. Na kupitia roho yake. Alléluia. Amina. Et Dieu montrait à Isaïe. Mungu alikuwa anamuonesha Isaya. Par là que par les gestes que faisaient les séraphins. Kupitia ile matendo wa serafini walikuwa nafanya. En se cachant la face. Mukujificha uso. Les séraphins ne sont pas des pécheurs. Wa serafini hawana watenda zambi. Ce sont des anges. Wao ni wa malaika. Mais devant Dieu. Lakini mbele ya Mungu. Ils se cachent quand même la face. Wanaficha uso yabo. Alléluia. Amina. Ils sont en révérence devant Dieu. Bekona mheshimia Mungu Baba. Quelle doit être notre position? Sasa ali yetu inapashi kwa ya namna gani? Alléluia. Amina. Devant la face de Dieu. Mbele ya uso wa Mungu. Dieu seul. Mungu peke yake. Mérite la révérence et le respect. Ndio anastahili heshima mkubwa, kuheshimia sana. Dans son église. Mukanisa yake. Et les autres ailes, ils se couvraient les pieds. Na mabawa zingine walikuwa nafunika miguu. Cela montrait l'humilité que nous devons avoir devant Dieu. Ile ilikuwa naonesha unyenyekevu ile tunapashi onesha mbele ya Mungu. Devant Dieu, nous ne sentons rien. Mbele ya Mungu tunajiona bure. Devant Dieu, nous nous sentons petits. Mbele ya Mungu tunajiona wadogo sana. Amena. Nous sommes rien devant lui. Atuna kitu mbele yake. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Kama tuku kile tuku leo. C'est seulement par sa grâce. Ni kwa neema yake tu. C'est pourquoi il n'y a même pas lieu à se glorifier. Ndio kwa maana hakuna cha kujitukuza nacho. Amen. Amina. Et les autres ailes. Na mabawa zingine. Ils étaient en train de voler. Walikuwa natumia kwa ajili ya kuruga nayo. Et je montrer comment un service préparé devait agir. Mungu alikuwa anaonesha namna kani mtumishi wa Mungu mwenye kujitayarisha anapashi kutenda. Il doit être respectueux. Anapashi kwa wa heshima. Il doit être humble. Anapashi kwa mnyenyekevu. Alors il peut servir Dieu. Pale ndio anawezi kumtumikia Mungu. C'est la seule façon de servir Dieu. Ndio namna tu moya kumtumikia Mungu. Et lorsque nous parlons de servir Dieu, wakati tunasema mambo ya kutumikia Mungu, les gens pensent seulement prêcher. Batu mingi wanawazia kasema ni paka kuhubiri. La position dans laquelle Dieu t'a placé. Musimamo ile mufazi ile Mungu alikuweka. C'est de cette façon que tu dois servir Dieu dans cette position là. Ni paka pa ile fazi Mungu alikuweka ndio unapachi mtumikia Mungu. Nous avons vu à parler de ça à long et à large. Je les aimais pas ici sana katika upana. Amen. Amina. Regardez mon frère, ma sœur. Tazameni ndugu yangu na dada. Lorsque quelqu'un entre dans la présence de Dieu. Wakati mtu anaingia muwepo wa Mungu. La première chose. Kitu kia kwanza. Est qu'il confesse ses péchés. Ya kwamba apate kwanza kutubu mazambi zake. C'est pourquoi Isaïe a crié. Ndio kwa maana Isaïe alilalamika. Il dit je suis perdu. Anasema mimi napotea. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Kwani niko mtu wa midomo ya buchafu. J'habite parmi le peuple dont les lèvres sont impures. Nikunaka katikati ya taifa ya midomo ya buchafu. Mais mes yeux ont vu le roi. L'éternel des armées. Wa milele wa majesi. Esaïe c'était un grand prophète. Isaïe alikuwa ni nabii mkubwa. Il voyait des visions. Alikuwa naona maono. Alléluia. Amen. Mais dans la présence de Dieu. Lakini muwepo wa Mungu. Il a dû confesser ses faiblesses. Il a confessé ses péchés. Alléluia. Amina. Mais Dieu. Alakini Mungu. Il y a un séraphin qui est allé prendre une pierre ardente. Huku serafini moya alienda kuchukua jiwe ya moto. Que le type du Saint-Esprit. Yenye kwa picha ya Roho Mtakatifu. Il est allé brûler sa bouche. Alienda kuchoma kinywa ya Isaya. Et lui a dit. Na alimwambia. Regardez ton iniquité est enlevée. Tazama uovu yako inaondoka. Et ton péché est expié. Na zambi yako inaondolewa. Et nous savons que nos péchés ont été expiés à Golgotha. Tunajua kwamba zambi yetu iliondoka kwa msalaba. Où le sang de Jésus a coulé. Kule damu ya Yesu ilivuja. Amen. Amina. Dieu Mungu nous a pardonné. Ali tusamehe. Il nous a pas seulement pardonné. Il nous a aussi justifié. Il a pris nos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Aujourd'hui devant Dieu, à cause de l'œuvre de Golgotha, à cause du sang de l'agneau, amen. Nous pouvons aussi nous tenir devant Dieu et pouvoir causer avec lui, parler. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous avons accès à Dieu. Amen. Amen. Quelle grâce. Si Jésus n'était pas mort, kama Yesu asikukufe, nous serons perdus. Tungepotea. Mais dans son amour, alakini mwapendo le caractère aimant de Dieu, tabia ya kupenda kwa Mungu, il nous a donné son fils unique, alitutoea mwana wake afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. Alakini apate buzima milele. Alléluia. Amen. C'est cela notre consolation. Il est ndio faraja yetu. Alléluia. Amen. Maintenant regardez mon frère, ma soeur. Quand Esaïe est allé et est sorti de la présence de Dieu, il n'était plus la même personne. Aucune personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et rester la même. Non. Apana. Alléluia. Amina. Regardez cet homme de Jacob. Tazameni huyu mutu Yakobo. Déjà Genèse 32. Ni mumwanjo sura 32. Jacob c'était un supplanteur. Yakobo alikuwa mudanganifu. Il a supplanté son grand frère Esaü. Ari mudanganya mukubwa wake Esaü. Il a fui son frère sur le chemin. Jacob a vu des visions. Il a vu des songes. Quand il est arrivé, c'est son oncle là-bas. Là encore, il a trompé. Alléluia. Amen. Mais il n'était jamais entré dans la présence de Dieu. Parce que ça doit être un problème de vie et de mort. Wani ile ni mambo abushima na kufa. Alléluia. Amina. Et lorsqu'il est rentré maintenant, wakati ile alikuwa narudia sasa, il devait rencontrer son frère Esaü. Alipasha kutanishana na ndugu yake Esaü. Allez lire dans Genèse 32 tous les chapitres. Muisome mu mwanzo sura 32. Jacob a essayé de trouver les solutions. Esaü alipima kutafuta huko majibu pour avoir la grâce de son frère. Junduku yake apate kumurumia. Mais son frère a dit, moi aujourd'hui je vais tuer Jacob. Alakini nduku yake alimwambia leo nitamuua Jacob. La Bible dit. Biblia nasema Jacob est resté seul. Jacob alibakia peke yake. Il a prié toute la nuit. Aliomba usiku mzima. Et il est entré dans la présence de Dieu. Na aliingia muwepo wa Mungu. Dieu est descendu. Mungu alishuka. Alléluia. Amen. Il a confessé ses péchés. Il a crié à Dieu. Parce que la mort était devant lui. Alléluia. Il a lutté avec Dieu. Il a persévéré. Et vers le matin, Dieu lui a dit, lâche-moi, je dois partir. Il dit non. Je ne suis pas encore satisfait. Je n'ai pas encore reçu l'assurance. Je ne t'abandonnerai pas. Que tu m'aies béni. Alléluia. Amen. Voilà ce que doit notre position. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer. Nous devons chercher Dieu pour que Dieu soit une réalité dans notre vie. Alléluia. Dieu, ce n'est pas une imagination. Dieu est une réalité dans le croyant. Le véritable croyant. Dieu est devenu une réalité dans leur vie. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a frappé au hanche. Na Mungu alimpika mkiuno. Il dit, Akasema, tu ne seras plus Jacob. Abatakuita tena Yakobo. Le supplanteur. Mudanganifu. Tu seras appelé Israël. Sasa batakuita Israël. Prince avec Dieu. Mufalme pamoja na Mungu. Tu as lutté avec Dieu. Unakumbana na Mungu. Et tu as vaincu. Na unashinda. Et le soleil s'est levé. Na jua lilamuka. C'était à Peniel. Ilikuwa kule ni kupeniel. Peniel en hébreu ça veut dire. Kupeniel mukiebrania manake. La face de Dieu. Ni uso ya Mungu. Alléluia. Amen. Et Jacob n'a plus marché comme il était. Il a commencé à boiter. Pourquoi? Sa vie a été changée. Il a rencontré Dieu. Et sa marche était devenue différente. Lorsque un homme pécheur, il confesse ses péchés. Il entre dans la présence de Dieu. Sa vie doit changer. Alléluia. Amen. Et Dieu devient une réalité dans sa vie. Et Jacob pouvait dire à ses femmes, Jacob pouvait dire, mais pourquoi vous marchez comme ça? Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et ma vie a été transformée. Et j'ai été sauvé. Le salut est une réalité. Mais le grand problème, beaucoup de gens n'entrent pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, nous entendons la prédication. Nous devons entrer dans la présence de Dieu. Reconnaître nos fautes. Reconnaître nos erreurs. Dieu nous pardonne. Et change notre vie. Le christianisme est une réalité. Qui Christo, ni mambo ya kweli. Non, sinon vous devenez des religieux. Kama ina vile, Dieu ne nous a pas appelés pour être des religieux. Tuite, non, Dieu est une réalité. Mungu, ni mambo ya la kweli. Présence de Dieu dans nos vies wa Mungu, est yetu. Devenue une réalité. Kika. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il n'est pas un Dieu de groupe. Joko mana, Mungu ana Mungu wa kikundi, apana. Non. Apana. Dieu est individuel. Mungu ni Mungu wa upeke. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un Dieu de mon mari. Ana ta Mungu wa bwana yangu. Pas le Dieu de ma femme. Ana Mungu wa bibi yangu. Pas le Dieu de mon père. Ana Mungu wa baba yangu. Non, de ma mère. Apana, Mungu il mama yangu. Faut que chacun de nous kila mmoja wetu entre en présence de Dieu. Aingie qu'il fasse l'expérience de Golgotha, afanye onjo Golgotha afin que nos vies soient changées et que nous pouvons dire na tupate kusema, Dieu Mungu est devenu mon Dieu. Anakuwa Mungu wangu. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Et quand vous lisez la Bible, Biblia, tous les témoignages des gens qui sont rentrés dans la présence de Dieu, de yaba muwepo wa Mungu, les choses changent. Bitu bikuna badirika. Alléluia. Amena. Nous ne devons pas faire le formalisme. Atuwezi kuonekana inje bule. C'est pourquoi Jésus disait, lorsque vous priez, entrez dans votre maison, votre chambre, fermez la porte, Dieu qui voit dans les secrets. Mungu mwenye kona katika ça veut dire quoi? Manake nini? Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, wa Mungu, toutes les voies se taisent. Yote mais ce qui est grave, c'est quoi? Nini? Quelqu'un est dans l'église ici, mais il n'est pas dans l'église. Il est en train de penser ses affaires qu'il a laissées à la cité. Anawanda. Mais le corps est là. Kazi yake aliacha mwili mais kwa il n'est pas dans la présence de Dieu. Alakini ana muwepo wa Mungu. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, wakati tunaingia muwepo wa Mungu, toutes les autres voix doivent se taire. Manjia yote inapashi ifunge pour que nous entendons seulement la voix de Dieu. Juu tupate kusikia paka sauti ya Mungu. Qui peut nous parler dans notre cœur? Anapashi tuambie mu moyo wetu. C'est là où les choses changent. Ndio pale bitu bitabadilika. Alléluia. Amen. C'est là celui qui mentait ne ment plus. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui s'est prostitué ne se prostitue. Celui qui était orgueilleux, l'orgueil tombe. Alléluia. Amen. Regardez cet homme de Moïse. Tazameni huyu mtu Musa. C'est un monsieur qui était bien formé. Alikuwa ni mtu mwenye kuadabisha mzuri. Mais il savait aussi qu'il avait un appel. Alakini alijua sema alikuwa na mwito. De pouvoir délivrer Israël. Ya kukombola watoto wa Israeli. Pour l'amener dans le pays des promesses. Ya kuwapeleka mwinchi ya malako. Mais il a commencé à agir comme il voulait lui-même. Alianza kutenda vile alikuwa naona yeye mwenyewe. Ça n'a pas marché. Habikuwezekane. Parce qu'il faisait confiance à ses muscles. Wani alikuwa anajitumainia kwa nguvu yake. Il faisait confiance à ce qu'on lui avait appris. Alitumainia vile walimfundisha. À l'académie militaire. Ule chuo kikuu cha askari. Mais il a fui. Alakini alikimbia. Il a abandonné le travail. Aliacha ile kazi. Il ne pouvait pas servir Dieu comme ça. Hakuwezi kumtumikia Mungu kama namna. Il fallait d'abord qu'il entre dans sa présence. Alipaswa kwanza aingie mwepo wa Mungu. Il était devenu berger. Ndio kwa maana sasa alikuwa mchunga kondoo. Il avait même oublié sa commission. Alisabu na kazi yake. Mais jour, alakini siku moja, Dieu s'est souvenu. Mungu alimkumbuka. Il devait accomplir sa part, ses promesses. Ya kwamba alipasha timiza malengo yake. Parce que Dieu tient sa parole. Kwani Mungu yuko anashika kuneno lake. Aucune iota de la Bible ne peut tomber. Hakuna nukta tamo ya Biblia ya kuanguka. Le ciel et la terre passeront. Mbingu na dunia itapita. La parole de Dieu ne passera pas. Neno la Mungu yo haiwezi kupita. Parce que la parole de Dieu, kwani neno la Mungu, elle demeure éternellement. Iko na dumu milele. Amen. Amina. Dieu ne peut pas donner une promesse. Mungu hawezi kulaka malako. Sans accomplir. Bila kuitimiza. Non, ce n'est pas notre Dieu. Hapana ula na Mungu wetu. Non, non, non, non, non, non. Hapana, hapana. Dieu veut sur sa parole. Mungu yuko na kesha yule anayeweka. Et lorsqu'il donne une promesse. Wakati analeta malako. Il veut sur sa parole pour l'accomplir. Yuko na kesha yule malako yake juu kuitimiza. Un jour Moïse est passé. Siku moja Musa alikuwa anapita. Pendant qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-frère. Wakati ile alikuwa analisha kondo ya mko yake Yetro. Il a vu un buisson. Aliona kijiti ya moto. Qui brûlait. Ilikuwa na waka. Alakini haikuteketeza. Parce que Dieu. Kwani Mungu. Il est surnaturel. Eko Mungu wa kiroho. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas naturel. Mungu ana wa asili. Dieu est surnaturel. Mungu yeye ni wa kiroho. Il fait des choses d'une façon surnaturelle. Anafanya vitu vya kiroho vya kimungu. Et Dieu fait quelque chose dans ta vie. Wakati Mungu akifanya kitu maisha. Huyu ni Mungu. Toi-même tu diras que c'est lui. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Il voulait se retourner pour voir. Alipenda ugeuka angalie ni nini ile. Il a entendu une voix qui l'a appelé. Akasikia sauti moja ilimuita. Du buisson ardent. Toka mule mukijiji ya moto. Moïse, Moïse. Musa, Musa. Enlève tes souliers. Ondosha viatu vyako. Parce que le lieu où tu te tiens est saint. Wani pali pali unapatikana ni pali patakatifu. Mon frère, ma soeur. Ndugu yangu na dada. Que Satan ne te trompe pas. Shetani asikulande. Dieu connaît ton nom. Mungu anajua jina lako. Dieu te connaît très bien. Mungu anakujua mzuri. Alléluia. Amen. Parce qu'il a appelé Moïse. Wani alimuita Musa pa jina lake. Il te connaît aussi. Anakujua na wewe pia. Hapana kusema Mungu asinijuake. Ne dis pas que Dieu ne me connaît pas. Même si les choses se compliquent. Hata kama vitu vinakuwa ngumu. Dieu te connaît. Mungu yeye anakujua. Au temps marqué. Wakati ya kufa. Il va agir. Atatenda. Alléluia. Amen. Et Moïse a enlevé les souliers. Na Musa aliondosha viatu vyake. Il s'est humilié. Alinyenyekeza. Il fallait qu'il s'humilie. Ilipasha adinyenyekeze. Devant la présence de Dieu. Mbele ya uwepo wa Mungu. Et Dieu lui a dit. Na Mungu alimwambia. Je suis le Dieu de tes pères. Niko Mungu wa baba zako. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mungu wa Isaka na Yakobo. Je suis descendu. Mina shuka. Alléluia. Amen. Je suis venu délivrer mon peuple. Mina kwa jua kukomboa taifa yangu. Parce que la délivrance appartient à Dieu. Wani ukombozi ni ya Mungu. Il n'y a aucune personne qui peut te délivrer. Hakuna mtu atamwa wa kukomboa. Il y a des gens qui mentent aux gens. Ndio pale kukubana. Venez, je vais vous délivrer. Mukuya mitamikomboa. C'est lui qui délivre. Mwana kukomboa. C'est seulement Dieu. Ni paka Mungu. Et Dieu délivre par sa parole. Na Mungu aona kukomboa. Parce qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Mutajua ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Ni neno la Mungu ndio inatukomboa. Amen. Amen. C'est pourquoi Jogomana. Nous devons croire. Tunapaswa kuamini. Aux promesses de Dieu. Malako ya Mungu. Nous devons croire. Tunapaswa kuamini. À la parole de Dieu. Neno la Mungu. Alléluia. Amen. Pour que Dieu accomplisse. Dieu Mungu apate kutimiza. Ses desseins en nous. Makusudi yake ndani yetu. Alléluia. Amen. Mon frère, Nduku yangu, quand Moïse s'est levé, wakati Musa aliamka, il n'était plus le même Moïse. Asikuwa sawa sawa. Il est parti en Égypte. Alienda Misri. Avec un bâton. Na bakora. Il n'avait plus peur. Asikuwa tena na pourquoi? Nini? Parce qu'il a été dans la présence de Wani Dieu. Aliingia muwepo wa Mungu. Alléluia. Amina. Cela l'a changé. Na ile ilimubadilisha. Il était devenu notre Moïse. Anakuwa Musa mwingine. Même lorsqu'il a rencontré des difficultés. Ata wakati alikutana na magumu. Il avait mis le scellé. Le bâton par terre. C'était devenu des serpents. Il y a eu des imitateurs. N'écoutez pas les imitateurs. J'en ai fait Jambres. Ils ont jeté aussi les bâtons. Au Dieu des gens. Même tout. Des pharaons. Il a dit à Moïse. C'est un petit tour de magie. Moïse, il savait qu'il avait rencontré Dieu. Il n'a pas vacillé. Il n'était pas épouvanté. Il a dit, ce que j'ai fait, c'était l'ordre de Dieu. Je n'ai pas fait de moi-même. Alléluia. Amina. Mais Janès et Jambres, ils avaient fait ça sur l'ordre de Pharaon. Moïse était tranquille. Voir comment les secours de Dieu viennent venir. Quand le secours de Dieu vient d'en haut. Alléluia. Amen. Dieu est entré en scène. Mungu alingia mukibeta. Amen. Amen. Le serpent de Moïse. Nyoka wa Musa. S'est levé. Arisimama. Il a suivi le serpent de Jambres. Il a suivi le serpent de Jambres. Akafata nyoka wa Jambres. Akamumeza pia. Il a pris. Sasa Musa akachukua. Et la puissance de Jambres. Na uwezo ya Jambres. Et la puissance de Jambres. Na uwezo ya Jambres. A été englouti par la puissance de Dieu. Yote ilimezwa na nguvu ya Mungu. Mon frère, ma soeur. Ndio maana ndugu na dada. Nous croyons que notre Dieu est tout puissant. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Vous voyez. Munaona. Nous allons prendre aussi quelques gens. Tutachukua watu fulani. Quelques exemples. Mamufano fulani fulani. Il y avait Simon Pierre. Wa Simona Petro. C'était un pêcheur de poissons. Alikuwa muvivu wa samaki. Mais il savait que le Messie devait venir. Alakini alijua kwamba Masia atakuja. Un jour il avait pêché toute la nuit. Siku moja aliloba usiku mzima. C'est dans Luc chapitre 5. Ni Luka sura ya 5. Il avait pêché toute la nuit. Aliloba usiku mzima. Il n'avait rien trouvé. Asikupate samaki hata moja. Alors Jésus est venu. Basi, Yesu akakuja. Et une foule le suivait. Na kundi ya watu ilikuwa na mpata. Et il était monté dans la barque de Simon. Na alipanda mchombo ya Simoni. Il a dit Simon, éloigne-toi un peu de la akamwambia Simone wende kwanza katikati ya maji. Il a commencé à prêcher. Akaanza kuhubiri. Il a prêché. Alihubiri. Il a prêché. Akahubiri. Alléluia. Amen. Et après la prédication. Kisha yeye kuhubiri. Il dit à Simon, akamwambia Simona, avance en plein eau. Sasa uende katikati ya maji. Jette le filet. Utupe makila yako. Amen. Amina. Simon dit Seigneur. Simon akamwambia Bwanda. Moi je suis un expert en pêche. Mie mimi nishakujua kuloba. Toute la nuit. Usiku mzima hii. On a circulé ici. Tulizunguluka paifa ziyote. Il n'y a rien. Hapana kitu. Parce que les pêcheurs savent même comment les poissons circulent. Kwani walobaji wanajua sana mna gani samaki natembea. Il observe, il dit non, ici il y a des poissons. Anaweza kuwa mchombo yake anaona kama hapa kuna samaki. Mais nous avons travaillé. Usiku mzima tunaloba. Mais Alakini, sur ta parole. Yulu ya neno lako. Alléluia. Amen. Je vais jeter. Nitatupa makila yangu. Mon frère. Nduku yangu. Les promesses. Malako. Sont liées à la foi. Inambatana kuimani. Et à l'obéissance. Na kutifu. Alléluia. Amen. Parce que toi tu l'as dit. Kwani wewe unaisema? Je vais jeter. Sa vile wewe ndio unaisema nitatupa makila ndugu yangu. Il est là où il n'y avait rien. Pana pa kwa kitu. Il a jeté ses filets. Alitupa po makila yake. Oh, mais les filets commencent à se rompre. Makila kanzo pasuka. Ils ont appelé les autres associés. Akaita majirani. Il dit, venez. Ils ont rempli les deux barques de poissons. Quand Simon a vu ça, il a dit, non. Je ne suis pas devant n'importe quel homme. Je suis devant les créateurs de poissons. Il s'est jeté par terre. Il s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne de me tenir dans ta présence. Jésus l'a regardé. Il dit, désormais, je te ferai un pécheur d'homme. Lisez les Écritures. Ils ont tout abandonné là-bas. Simon, fils de Jonas, il n'était plus la même personne. Après avoir été dans la présence de Jésus-Christ, il est devenu Pierre. On n'avait pas tellement changé son nom. Même sa vie fut changée. Alléluia. Amen. Entrer dans la présence de Dieu. Kuingia muwepo wa Bwana. C'est là où les choses changent. Jo mule bitu bikuna badilika. Il y avait ce jeune homme Saul de Tarse. Kulikuwa ukiana Saul wa kutarsi. Paul. Paulo. L'apôtre Paul. Mutume Paulo. Il persécutait l'église de Dieu vivant. Alikuwa anateswa kabisa Mungu aliyai. Il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Asikuwazia sema Yesu alikuwa Mungu. Il ne comprenait pas. Asikuwa naelewa. Comment Dieu était devenu un homme? Namuna kani Mungu anakuwa mutu. Parce que c'était un mystère. Wani ile ni siri. Lorsqu'il écrit Pierre, après lorsqu'il avait rencontré Jésus-Christ. Wakati ile alikutana Yesu Kristo. Il pouvait écrire à Timothée. Aluwezi kumwandikia Timothée. Timothée. Le mystère de la piété est grand. Siri ya Mungu ikumkubwa. Mungu. A été manifesté dans la chair humaine. Alionekana mu mwili ya mumutu. Alléluia. Amen. Et il était sur le chemin de Damas. En plein midi, il a vu la même colonne de feu qui était avec Moïse dans le désert. Et il a été ébloui. Il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il était tombé par terre dans la poussière. Parce que dans la présence de Dieu, on est petit. On ne peut pas se tenir debout. Alléluia. Amen. Mais qui es-tu, Seigneur? Akauliza, wewe ni nani Bwana? Il savait que Kwani alijua kwamba Jéhovah était dans la colonne de feu. Ni paka Jéhovah ndio alikuwa munguzo la moto. Et la voix lui dit, sauti kamwambia, c'est moi Jésus. Mimi Yesu le wateswa. Qui persécute? Ule kuna teswa. Oh, il était bouleversé. Arivurushwa. Comment Jésus-Christ? Namna gani Yesu Kristo? Est-il devenu Jéhovah? Anakuwa sasa Jéhovah. Alléluia. Amen. Mon frère, Nduku yangu, quand il s'est relevé, wakati arlamuka, il n'était plus la même personne. Asikuwa tena ule mutu moya moya. Alléluia. Amen. Il pouvait dire au roi Agrippa, aruwezi kumwambia mfalme Agrippa, mfalme Agrippa, je ne pouvais pas résister à la vision céleste. Sikuwezi kushindana na ole ya kimungu. Depuis ces jours là-bas, tangia ile siku, oh, tout ce qui était pour moi des gains, ile yote ilikuwa faida kwangu, c'est devenu la boue. Inakuwa ni matope. Lisons ça un peu ça. Tuisome kwanza hii. Philippiens chapitre 3. Wa Filippo sura tatu. Verset 4. Musari aine. Moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Na mimi mwenyewe nawezi kuata na shina ya kutukuza mwili yangu. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, kama mtu mwingine anawazia kutumainia mwili, je le puis bien davantage. Mie zaidi nawezi kumshindia. Moi, mie circoncis le huitième jour. Mwenye kutahiriwa siku ya munane. De la race d'Israël. Wa kizazi ya Israeli. De la tribu de Benjamin. Wa kabila Benjamina. Hébreu. Muebrania. Né d'Hébreu. Mwenye kuzaliwa na Waebrania. Kata la loi pharisien. Kufatana sheria wa farisayo. Kao zèle. Wabidi, persécuteur de l'église. Narukwa na tesa kanisa. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Misikuwa na kemeyo hata mwa kwa kuangalia uwaki ya sheria. Malgré tout ça, hata bile biote bile. Il n'était jamais entré dans la présence de Dieu. Arukwa shia ingia muwepo wa Mungu. Mais ces choses, alakini bibisu, qui étaient pour moi des gains, bilikuwa kwangu sawa faida, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Na niliona sawa kupoteza kwa ajili ya Kristo. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Na niku naona vitu vyote sawa kupoteza. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Seigneur. Kwa ajili ya buzuri ya kumuyua Yesu Kristo Bwana wangu. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Kwa ajili yake narikatala biote. Et je le regarde comme de la boue. Na niko nabiona sawa matope. Afin de gagner Christ. Ili nipate kumpata Kristo. Je te trouver en lui. Nipatikane ndani yake. Non avec ma justice. Hapana na uwaki yangu. Celle qui vient de la loi. Lakini kwa ile ya kutoka kusheria. Mais celle qui s'obtient par la foi. Lakini kwa ile ya kupokea kutoka kwa imani ndani ya Kristo. La justice qui vient de Dieu par la foi. Uwaki ya kutokea kwa Mungu kwa imani. Afin de connaître Christ. Ili nipate kumjua Kristo. La puissance de sa résurrection. Uwezo wa ufufuko wake. La communion de ses souffrances. Ushiriki ya mateso yake. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Na kombatana naye kupitia lufi yake ili nipate kufikia. Si je fuis à la résurrection d'entre les morts. Kutokea ufufuko toka wafu. Amen. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Aina sema mimi nishopata taji. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Wana mimi nishofika ku kamilifu. Mais je cours. Lakini napika mbio. Utasha le saisir. Ili nipate kuishika. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. Wani na mimi pia nalishikwa na Yesu Kristo. Nduku. Je ne pense pas l'avoir saisi. Siwa mais j'ai fait une chose. Lakini nafanya kitu kimoja. Oubliez ce qui est en arrière. Na sabu yenye kwa kumbele. Et pourtant vais faire ce qui est en avant. Naenda kwa yenye kwa kumbele. Je cours vers le but. Nakimbia kwenda pour remporter le prix de la vocation céleste. Ili nipate bei ya mwito ya Kristo ya kimbingu. De Dieu en Jésus Christ. Ya Mungu ndani ya Yesu. Amen. Amen. Après avoir été dans la présence de Dieu. Kisha kuwa muwepo wa Mungu. Après avoir rencontré Jésus Christ. Kisha kukutana na Yesu Kristo. Il n'est plus resté la même personne. Asikubaki yule mtu moyo wake. Alléluia. Hapana. Il est devenu Paul. Akakuwa sasa Paulo. Il n'a pas seulement changé de nom. Ashikubadilisha jina tu. Comme beaucoup ont changé de nom. Vile watu walibadilisha. Mais leur vie est restée la même. Lakini maisha yao inabaki hapana. Lui. Yeye. Après avoir rencontré Jésus Christ dans la colonne de feu. Kisha kukutana na Yesu Mungu sola moto. Sa vie fit changer. Maisha yake ilibadilika. Et en ce moment-là, mwile wakati, il était humilié. Alinyenyekeza. Et à partir de cela, kuanzia pale, il a commencé à agir. Akaanza kutenda. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Il y avait cette jeune femme samaritaine dans Jean 4. Kulikuwa huyu mwanamke msamaria mu Yohane sura 4. C'était une femme qu'on pouvait dire une femme de la rue. Arkwani mwanamke tunaweza kuita ni mwanamke wa mbalabala, kawayawaya. Une prostituée. Ndumba mukaba. Elle est allée puiser de l'eau. Alienda kushota mai. Mais quand elle rentre, elle arrive au puits. Wakati anafika kule kishima. Il trouve un jeune homme. Anakuta ako kijana mwanaume moya. C'était Jésus Christ. Alikuwa ni Yesu Kristo. Une femme donne-moi de l'eau. Akamwambia wewe mwanamke unipatie kwa maji. La femme lui dit. Mwanamke akamwambia. Wewe ni shuku muyuda. Moi je suis samaritain. Mimi kumu Samaria. Il n'y a pas de collaboration avec vous. Akuikala ki mapatano na mwenye. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Je ya nini unanilomba maji? Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Si tu connaissais le don de Dieu. Kama ungejua zawadi ya Mungu. Et c'est lui qui te demande de l'eau. Na mwenyewe anakuomba maji. C'est toi qui allais demander de l'eau. Wewe ndio ulipashi kumuomba maji. Alléluia. Amen. Et l'eau que je te donnerai. Maji ile nipashi kupatia. Sera une source en toi. Itakuwa ni chemchemu ndani yako. Et jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Na itasambala na mbushima milele. Amen. Amen. La femme lui dit, mwanamke akamwambia, mais tu n'as pas la corde et le puits est profond. Auna na kia kushota nake mshimo iko mrefu. Jésus a commencé et il a continué à causer avec elle. Yesu akaendelea kuongea naye. Il lui a dit, akamwambia, va m'appeler ton mari. Wenda unitie bwana yako. La femme dit non. Mwanamke akasema hapana. Je n'ai pas de mari. Mimi sina na bwana. Jésus dit tu as dit vrai. Yesu akamwambia unasema kweli. Tu as dit j'ai 5. Unesha pataka ba bwana 5. Et le sixième que tu as n'est pas ton mari. Na uwa sita kudai ana bwana yako. Mais regardez cette femme. Tazameni mwanamke. De mauvaise vie. Wa maisha mbaya. Quand on lui dit ça. Wakati walimwambia vile. Et dit mais je vois. Akasema mimi naona que tu es prophète. Ya kwamba uko nabii. Le même signe de Messie. Maalama mwamoyo ya Masia. Lorsque Jésus l'a fait devant les pharisiens. Wakati Yesu alifanya mbele ya mafarisayo. Ils ont jeté Belzebul. Walimtukana sema wewe ni Belzebul. Mais cette femme. Lakini huyu mwanamke. C'était une semence prédestinée. Alikuwa ni mbeko ile yenye kuweka. Alléluia. Et je vois que tu es prophète. Akasema mimi naona kwamba uko nabii. On nous a dit. Bali tuambiaka. Le Messie qui viendra. Ya kwamba Masia pana atakuja. Toutes ces choses. Atatuambia hivi vitu vyote. Amen. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Baba yetu bali abudu pa hii mulima. Et vous, vous les juifs, lakini mwe wa Yuda, vous nous dites, il faut aller à Jérusalem. Munatuambia semaine après je kwenda kwa Mungu wa Yerusalemu. Je dis, il faut me croire moi. Elle est déjà venue. Na, kufika. Vous n'irez plus à la montagne. Amutaenda tena aujourd'hui, les gens perdent le temps d'aller à la montagne. Leo watu wanatupa wakati je n'irai plus à la montagne. Mungu tena umilima. Vous n'irez plus à Jérusalem. Amutaenda tena ku Yerusalemu. Vous... Dieu, Mungu, il veut des adorateurs anapenda qui l'adorent en vérité et en esprit. Et sont ces adorateurs que le Père cherche. Vale babudwai, vale alléluia. Mon frère, cette femme, quand elle est entrée dans la présence de Jésus, wakati barimonesha kwa Yesu, on lui a dit ce qu'elle était. Barimonesha kila alikuwa. Elle n'a pas dit non, tu es Belzeboul. Elle a eu du respect. Na elle est partie vite témoigner dans la cité. J'ai rencontré un homme. Kutana na mutu boya. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bile biote na n'est-il pas le Messie? Eti, uyu, ana et quand masia, les autres sont venus, ils ont entendu la parole. Ils ont Mungu. Dit à la femme, mwanamuke, nous ne croyons plus à cause de ton témoignage. Nous sommes venus. Nous avons entendu. Nous avons reconnu que cette femme c'est le Messie. Ya kwamba huyu mtu ni Masia. Amen. Amina. Et depuis ce jour-là, tangia ile siku, sa vie avait changé. Maisha yake ilibadilika. Alléluia. Amina. Personne hakuna mtu ne peut entrer dans la présence de Dieu. Wa kuingia muwepo wa Mungu. Et rester la même personne. Na kubakia yule mtu wa zamani hapana. Il y avait cette femme. Ulikuwa mwanamke qui était aussi une prostituée. Ule alikuwa naye mkaaba. Jésus avait été invité Yesu, par Simon le pharisien. Yesu barimwalika kwa Simon mfarisayo. Il l'a invité pour se moquer de lui. Barimwalika juu bamuchekeleye. Mais Jésus répond toujours aux invitations. Alakini Yesu anekaleke wanajibia kumwaliko yote. Il est parti là-bas. Alienda kule. On l'a mal reçu. Bari umpokea mbaya. On lui a pas lavé les pieds. Aba kumuoshe miguu zake. Il est entré là-bas. Aliingia mule. Simon l'a négligé. Simon alimusula. On lui a donné la bonne place. Bari ya kumpatia fazi mzuri. Lui qui est le roi des rois. Ye mwenye kwa mfalme wa wafalme. Et le seigneur des seigneurs. Na bwana wa mabwana. Il a mis dans un coin là. Alimweka mkona kumpembeni. Pour se moquer de lui. Juu ya kumchekelea. Mais il y avait une femme. Alakini kulikuwa mwanamke mmoja. Il y avait entendu. Ulalisikia. Il y avait une femme qui avait été pardonnée. Ya kwamba kwa mwanamke mmoja. Une autre femme adultère. Mwanamke mwingine mkaba. Elle a appris que Jésus était dans la ville. Alipata habari kwamba Yesu alikuwa mwenye mji. Jésus était dans la maison de Simon. Na kwamba Yesu aliingia mnyumba ya Simon. Cette femme a acheté le parfum de grand prix. Mwanamke aliuza manukato ya bei sana. Elle a eu du respect envers lui. Alikuwa na heshima mbele ya Yesu. Elle est allée jusque dans la fête. Alienda na kuingia mule mkarabu. Même sans invitation elle est entrée. Hata bila mwaliko aliingia. Elle est arrivée devant Jésus. Wakati alifika mbele ya Yesu. Elle a eu du respect. Alimheshimia. Elle a commencé à pleurer. Akaanza kulia. Elle a commencé à se repentir. Akaanza kutubu. Les larmes coulaient. Machozi ilivuja. Ses larmes étaient tellement abondantes. Machozi ilikuwa mingi sana. Elle a commencé à laver les pieds de Jésus. Akaanza kunawisha nayo miguu ya Yesu na machozi. Elle avait ses longs cheveux. Na manywele yake mrefu. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Akaanza kupanguza miguu ya Yesu. Amen. Amen. Et s'est humilié. Analinyenyekea. Elle a respecté. Alimheshimia. Mais quand Simon a vu ça. Wakati Simon aliona vile. Dans son cœur. Muro yake. Il dit cet homme était prophète. Anasema kama huyu mtu alikuwa nabii. Il saurait que cette femme. Alipashi ufumbula sema mwanamke. Mwanamke ni wa maisha mbaya. Hapana ndugu yangu. Qui es-tu pour mépriser les autres? Huku nani jumbe ule vengine? Même si une prostituée venait ici. Hata kama nduma na kuyapa. Entrer dans la présence de Dieu. Umwache aingie muwepo wa Mungu. Jésus n'est pas venu pour les bons. Yesu ashukua tu watu wazuri. Il est venu pour les sauver les pécheurs. Alipaji wa kokoa watenda dhambi. Ceux qui étaient perdus. Bali walipotea. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Jésus dit à Simon. Yesu akamwambia Simona. Il dit il y avait quelqu'un qui avait une créance. Akamwambia kulikuwa mtu mmoja alikuwa na bamandeni. L'autre devait plus et l'autre moins. Huyu mmoja alikuwa na deni ya mingi mwingine alikuwa na deni kidogo. Et il les a remis leur créance. Na akabahurumia mamandeni yabo yote. Qui aimerait plus? Ni nani ule alipashi kumpenda zaidi? Simon dit celui à qui devait beaucoup. Simon akasema ni ule alipashi kuwa na deni ya mingi. Jésus dit à Simon. Yesu akamwambia Simon. Je suis venu ici. Mimi niko huku kwako. Tu te pas occupé de moi? Haukuniangalikie. Tu m'as pas lavé les pieds. Ah, kun na uche migulu sawa vile ni sawa. Tu m'as pas mis du parfum. Ah, kun ipaka manukato. Mais cette femme. Araki ni mwanamke. Depuis qu'elle est entrée. Tangi alingia. Elle est en train de pleurer. Alikuwa paka nalia tu. De ses péchés. Dieu a zambi zake. Avec ses larmes m'a lavé les pieds. Na machozi yake ananina uche migulu. De nombreux péchés lui sont pardonnés. Ma zambi yake ya mingi na msamehewa. Et c'est à ce moment-là que Simon s'étonne. Dieu parle qui est celui qui pardonne même les péchés? Et Jésus se retourne devant la femme. Femme, ta foi t'a sauvée. Elle est sortie sauvée. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était dans la présence du Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et rester la même. Sawa sawa pana. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est pourquoi mon frère. Je commande en ndugu yangu. Nous devons vivre dans la présence de Dieu. Tu n'as pas chikuishi muwepo wa Mungu. Pas seulement venant à l'église. Apana tumukwa ukanisa. C'est pourquoi David disait. Joko mana Daudi alikuwa anasema. Dans Psaume 16. Mzaburi 16. Verset 8. Musari ya 8. Psaume chapitre 16. Zaburi sura 16. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Kila mara nikuna wa milele mumacho yangu sa yote. Quand il est à ma droite. Wakati yako kukume yangu. Je ne chancelle pas. Siwezi kutenka. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Ndugu yangu na dada yangu. Nous devons avoir Dieu constamment devant nos yeux. Tunapashi kumuona Mungu kila wakati macho yetu. Quand nous venons à l'église. Wakati tunakuja kanisa. Quand nous sommes en voyage. Wakati tuko msafari. Où que nous soyons. Wala fazi yote tutakuwa. À l'école. Kumasomo. Ou au travail. Mukazi. David avait constamment Dieu devant lui. Daudi alikuwa anamuona Mungu kila wakati macho yake. Il dit, il est toujours à ma droite. Anasema, c'est pourquoi yangu. Je ne chancelle pas. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens agissent n'importe comment? Juanini, watu vous trouvez quelqu'un qui se dit chrétien? Demain, il est dans la prostitution. C'est parce qu'il n'a pas Dieu devant lui. Niju, ashina na Mungu wakati yote macho yake. Il ne croit pas que Dieu le voit. Ashiwazi, asema Mungu yako na muona. Il n'a pas constamment Dieu devant sa face. Ana na Mungu wakati yote muuso devant ses yeux. Kumacho yake ashimone Mungu. C'est pourquoi il peut faire n'importe comment. Joko mana nawezi kufanya hivyo. Mais si tu sais que Dieu te voit. Kama unajua sa Mungu t'écoute. Mungu anakusikia. Parce que la Bible dit. Kwani Biblia inasema. L'ange de l'Éternel. Malaika wa milele. Campe autour de ceux qui le craignent. Anapika kambi pembeni ya wale wanaomwogopa. Savez-vous partout nous sommes. Unajua fazi yote tuko. L'ange de Dieu est à côté de nous. Kwamba malaika wa milele yuko pembeni yetu. Anatuangalia. Comment tu peux, ma soeur, enlever les habits pour te prostituer? Si tu sais que Dieu est là, devant ta face, comment mon frère tu peux enlever les habits, aller faire n'importe quoi? Namuna kani ndugu yangu tatosha mavazi na kufanya vizuri vitu gani? Si Dieu est constamment devant tes yeux. Kama Mungu yuko kila wakati mbele ya macho yako. Et David dit, à cause de ça, kwa ajili ya ile, je ne chancelle pas. Siwezi kutenka. Je ne commets pas les péchés. Siwezi kutenda zambi. Alléluia. Amen. Nous devons avoir tout le temps, tunapashi kwa, na wakati yote, la parole de Dieu devant nous. Na neno la Mungu mbele yetu. Parce que Jésus-Christ, il est la parole. Kwani Yesu Kristo ni neno. Et si nous avons constamment la parole de Dieu, kama kila wakati tuko na neno la Mungu, comment tu vas mentir? Sasa utalanda je. Hein? Hein? Comment tu peux escroquer? Namna gani unawezi kuibia? On te fait confiance. Bana kutumainia. Un frère te met dans sa boutique. Dugumana kuweka boutique yake. Tu voles. Unaanza kuiba. Tu pilles même la boutique, tu fouilles. Biote, mon boutique, c'est parce que tu n'as pas le respect devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le respect de sa parole. Aunana neno la Mungu. Que tu peux faire. Et si tu savais que Dieu était là, kama ungejua, sema Mungu yako pale. Tu ne peux pas chanceler. Kutenka, tenka. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans tout ce que nous faisons, nous devons être dans la présence de Dieu. Nous devons savoir que Dieu est devant nous. Notre vie sera une autre vie. Ce sera une vie digne de l'évangile. C'est parce qu'à un moment, nous pensons que Dieu ne nous voit pas, que Dieu ne nous écoute pas, et nous faisons n'importe quoi. Et nous pensons, c'est seulement quand nous venons dans l'église. Nous venons dans l'église, il est là. Même quand nous sortons, sachez que Dieu est toujours à côté de nous. Et lorsque nous faisons n'importe quoi, nous l'attristons. Amen. Amen. Dans le verset 11, psaume 16, David dit ceci. Tu me feras connaître les sentiers de ta vie. Non. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance et joie devant ta face. Vous avez compris? Il y a d'abondance et joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Alléluia. Amen. Psaume 33. Zaburi makumitatu na tatu. Verset 10. 13. Musare akumitatu. L'Éternel regarde du haut-dessus. Il voit tous les fils de l'homme. Du lien de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Amen. Amen. Nous devons savoir que Dieu nous observe. C'est pourquoi nous devons avoir une marche digne de l'évangile. Et la crainte de Dieu doit être dans notre cœur. Parce que Dieu nous voit. Alléluia. Amen. Et si nous savons que Dieu nous voit, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne nous ouvrirons pas nos téléphones pour voir les choses sales. Des films porno, parce que ça suit votre esprit. Mais Dieu te voit. Il regarde ma fille. Et vous voulez avoir le baptême du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit rentre faire le rapport, il dit sa fille, ton fils là, il est toujours dans les choses vulgaires. Amen. Amen. Psaume 34, Zaburi makumi tatu na ine, verset 8. Mustari ya munane. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Malaika wa milele anapika kampi kando kando ya wale wanaogopa. Anabatosha muhatari. Sante, voyez combien l'Éternel est bon. Muone na mujue namna gani wa milele ni mwema. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Eri wake ule mtu anatafuta kifutamio ndani yake. Craignez l'Éternel, vous êtes saints. Muogope wa milele mwe watakatifu yake. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Kwani hakukosekane kitu kwa wale wanamuogopa. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Malaika wa milele anapika kambi kando kando yetu. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Je kwa maana tuogope. Croyez-vous que l'ange campe autour de nous? Eti munaamini ya kwamba malaika anapika kambi kando kando yetu. Amen. Amen. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mutoto wa simba anakosewa na anapata njaa. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Abakosewe na kizuri hata kimoya. Verset 16. 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Macho ya milele kujuzi wa wenye haki. Alléluia. Amen. Les yeux de Dieu sont sur nous. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, kuwa muwepo wa Mungu, c'est reconnaître la présence de Dieu dans votre vie. Ni kutambua uwepo wa Mungu mu maisha yako. Reconnaître la présence de Dieu, kutambua uwepo wa Mungu, en vous et à côté de vous. Ndani yako na pembeni yako. Et à cause de cela, Dieu a ile, notre marche devient une différente marche. Maisha yetu itakuwa yenye kubadilika. N'oubliez pas cela, mon frère. Mushisabu ile nduku na dada. Quand nous allons sortir, wakati tutatoka, Dieu ne va pas rester ici dans Mungu l'église. Asabakia mukanisa pana. Nous, chacun ira avec Dieu. Kila mutu atenda na Mungu. Dieu nous écoute, nous Mungu voit. Anakusikia na yeko na tuona. Pourquoi nous devons être, nous devons avoir la crainte dans notre cœur. Na boka mu moyo wetu. Et marcher. Na kutembea. D'une façon digne de l'évangile. Et nous devons avoir tout le temps devant nos yeux la parole de Dieu. Et en ce moment-là, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, nous devons le régler selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.